Aux États-Unis, le président est élu pour 4 ans au suffrage universel indirect. Le 3 novembre 2020 se déroulera la 59e élection présidentielle américaine depuis 1789. Donald Trump, candidat républicain à sa propre succession, et Joe Biden, qui fut vice-président sous la présidence Obama, s'affrontent depuis plusieurs semaines par l'intermédiaire de meetings, d'interventions médiatiques et sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion pour nous, sur France Culture, de réfléchir à ce qui fait l'essence de la démocratie américaine et de la démocratie en général, et à ce que le président sortant Donald Trump a fait directement ou indirectement à cette démocratie à travers le regard des philosophes en ce qui nous concerne, des philosophes européens et américains. Aujourd'hui, pour ce premier temps, c'est la philosophe belge Justine Lacroix qui, en duplex depuis Bruxelles, vient se demander ce qu'il reste des droits de l'homme à l'épreuve de la démocratie américaine sous la présidence de Donald Trump. Les médias me présentent comme quelqu'un de moins courtois que je ne suis en réalité. Les gens ne me comprennent pas. Je suis allé dans une grande université, j'étais un étudiant gentil, j'ai très bien réussi, je suis quelqu'un de très intelligent. Je crois vraiment que les médias créent une image différente de Donald Trump de ce qu'il n'est vraiment. Bonjour Justine Lacroix. Bonjour Adèle Dombrette. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles. Où vous vous trouvez ce matin? Vous n'avez pas pu nous rejoindre dans nos studios. Comment ça se passe à Bruxelles? Vous êtes sous couvre-feu? Alors, c'est un peu différent de Paris parce qu'on a effectivement un couvre-feu mais qui commence à 22h. Par contre, il y a d'autres restrictions. Là, on s'est réveillé ce week-end dans une ville où il n'y a plus ni café, ni restaurant, ni théâtre, ni musée. Donc voilà, c'est une période très compliquée pour tout le monde. Et donc, vous ne pouvez pas quitter le territoire? Je peux, mais c'est fortement déconseillé. Ce n'est pas interdit. Je crois qu'on a levé les restrictions aux frontières. Ce n'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. Donc pour le moment, je reste à Bruxelles. Puisque vous avez beaucoup travaillé sur la question des droits de l'homme, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ce sujet, des livres coécrits avec Jean-Yves Franchère, est-ce que la situation que nous sommes en train de vivre n'est pas un bon point de départ à notre discussion avant d'élargir à la démocratie? Est-ce que la situation actuelle met-elle en danger l'application et le respect des droits de l'homme? Oui, alors ça c'est une question très compliquée sur laquelle je suis pas sûre d'avoir une réponse définitive parce que voilà, on est tous pris dans des événements qui nous dépassent. On y a un peu réfléchi avec mon co-auteur Jean-Yves Franchère et je dirais qu'on peut dire deux choses par rapport à cela. Je crois que le fait de prendre des mesures de restriction des libertés fut-elle très importante. Je pense que on a souligné que c'était les mesures de restriction des libertés les plus importante qui a été prise en France et en Belgique aussi en temps de paix. Le fait de prendre ces mesures n'est pas forcément attentatoire aux droits de l'homme en soi, parce que les droits de l'homme, c'est pas la liberté de faire tout et n'importe quoi, ouais, sans se soucier du bien commun et de ses concitoyens. Donc il y a toujours la possibilité de déroger aux libertés fondamentales pour préserver le bien commun, en l'occurrence la santé du plus grand nombre de nos concitoyens. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces mesures soient prises dans un cadre légal qui soit assuré, c'est-à-dire dans le respect de l'état de droit, et en faisant une large place à la délibération démocratique. Et de ce point de vue, je dois avouer une certaine inquiétude. J'ai l'impression que beaucoup de mesures sont adoptées sans qu'elles soient réellement délibérées et toujours comprises. Donc je ne conteste pas forcément les mesures en tant que telles, mais je suis inquiète quant aux modalités selon lesquelles elles sont adoptées. Et effectivement, je pense qu'il faut être très vigilant que ces mesures ne se retrouvent pas intégrées dans le droit commun quand, ce que j'espère, le temps de l'épidémie sera derrière nous. Mais c'est le principe de l'état d'urgence, non, justement? Oui, mais le principe, l'état d'urgence n'est pas là pour s'attaquer à une situation qui serait appelée à devenir durable. Par définition, l'état d'urgence répond à une urgence. Or, cette épidémie semble appelée à durer. On ne sait pas, 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. Et donc, je crois qu'il est très important que tous les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de délibération soient rétablis dans leur fonction. Et encore une fois, mon propos n'est pas de contester les mesures de restriction à la liberté de mouvement ou à la liberté de se réunir. Non, c'est le caractère démocratique de ces mesures qui vous inquiète. C'est le caractère enfin, démocratique. Non démocratique. Vous savez, on dit souvent, tant que la délibération démocratique sera préservée, tant que la capacité de contrôle sera préservée, je ne serai pas très inquiète pour nos libertés privées. C'est là où on les retrouvera. Si vous voulez, nos libertés privées, elles peuvent toujours être restreintes. Les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme en société. Et donc, nous n'avons, il n'y a pas de sens à revendiquer une liberté si c'est au détriment de la santé d'autrui. Mais je pense qu'il faut rester attentif à cette nécessité d'un contrôle et d'une délibération démocratique. Et un état d'urgence n'a pas vocation. Pérenniser. Donc, et des situations de crise, des situations d'urgence, enfin, je pense que là-dessus, il y a quand même un accord pour reconnaître que nous allons devoir y faire face de plus en plus souvent. Et donc, on doit aujourd'hui réfléchir à cette situation où on doit affronter des crises, mais on doit les affronter dans le respect de l'état de droit et dans le respect des pouvoirs démocratiques. Tonight, you're minimizing the risk, the danger of the virus. Are you telling the Americans, except for the ones who are sick, not to change any of their behaviors? No, I think you have to always, look, I do it a lot anyway, as you probably heard. Wash your hands, stay clean. You don't have to necessarily grab every handrail unless you have to. You know, you do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. Est-ce que le virus est la même chose que la grippe? C'est toute la question. Venez d'entendre la voix de Donald Trump. Vous l'aurez certainement reconnu pour retourner aux États-Unis. Justine Lacroix, on a fait un petit détour par l'Europe, mais on va surtout réfléchir au cas américain cette semaine. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, alors, dans son attitude vis-à-vis de l'épidémie, mais même plus généralement et plus largement vis-à-vis de la démocratie américaine, met en danger les droits de l'homme dans ce pays? Oh, oui. Enfin, je dirais que, si vous voulez, moi, Trump, il m'intéresse parce que, comme vous l'avez dit en ouverture avec Jean-Yves Franchère, mon co-auteur, on a beaucoup travaillé, alors pas sur les États-Unis en tant que tels, même si on connaît évidemment assez bien la question là-bas, mais on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les critiques intellectuelles et politiques des droits de l'homme telles qu'elles se sont développées depuis 20 ou 30 ans. Et je dirais que Trump nous a intéressé dans ce contexte-là parce que c'est vraiment le symptôme, un des symptômes les plus flagrants de ce langage de plus en plus décomplexé qui s'est imposé dans la sphère politique et dans de nombreux États, hein, que ce soit au Brésil avec Bolsonaro désormais, en Italie avec Salvini, mais aussi en France, un certain nombre de responsables politiques, un langage très décomplexé par rapport aux droits de l'homme, ce qui représente quand même une mutation ou un retournement par rapport à la situation qui était la nôtre il y a encore une vingtaine d'années, si vous voulez, où les droits de l'homme étaient ce qu'ils ne devraient pas être pour nous non plus, c'est-à-dire c'était un peu une sorte de tabou ou de dogme. Il n'était pas possible de revendiquer ouvertement son mépris des droits fondamentaux. Même les dictateurs se sentaient la nécessité de prêter allégeance aux droits de l'individu, même si c'était largement hypocrite. Et puis, Puis on a vu apparaître comme ça un langage de plus en plus décomplexé qui prétend faire prévaloir la compétence, l'efficacité, qui considère que au fond le respect des droits de fondamentaux, ce sont des obstacles à l'action politique. Et je pense que Trump est une figure intéressante de ce point de vue-là, parce que bon, avec tout le côté histrion, vulgaire du personnage, il révèle sans doute aussi ce qui est quand même une tendance lourde de nos sociétés politiques, c'est-à-dire une forme de langage de plus en plus décomplexé sur ces questions-là, et alors aussi l'affirmation d'une forme de démocratie, mais c'est... On ne vous entend pas très bien, Justine Lacroix. Est-ce que vous êtes toujours là? Je rappelle que vous êtes avec nous depuis Bruxelles à travers une connexion Skype. Alors, ce que je vous propose, non, je vous entends plus très bien. Ce que je vous propose, c'est que, afin de rétablir la connexion, on va entendre ensemble un texte d'Alexis de Tocqueville, qu'on devait entendre de toute façon à peu près à ce moment-là. Un extrait de La démocratie en Amérique, dans lequel Tocqueville montre comment l'expérience de la démocratie est pour lui l'expérience des droits, et qu'en cela, le libéralisme est absolument inséparable de la démocratie. Après l'idée générale de la vertu, je n'en sais pas de plus belle que celle des droits. Ou plutôt, ces deux idées se confondent. L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. C'est avec l'idée des droits que les hommes ont défini ce qu'était la licence et la tyrannie. Éclairé par elle, chacun a pu se montrer indépendant sans arrogance et soumis sans hardiesse. L'homme qui obéit à la violence se plie et s'abaisse. Mais quand il se soumet au droit de commander qu'il reconnaît à son semblable, il s'élève en quelque sorte au-dessus de celui-même qui lui commande. Il n'est pas de grands hommes sans vertu. Sans respect des droits, il n'y a pas de grand peuple. On peut presque dire qu'il n'y a pas de société. Car qu'est-ce qu'une réunion d'êtres rationnels et intelligents dont la force est le seul lien? Je me demande quel est de nos jours le moyen d'inculquer aux hommes l'idée des droits et de le faire, pour ainsi dire, tomber sous leur sens. Et je n'en vois qu'un seul, c'est de leur donner à tous le paisible exercice de certains droits. En Amérique, l'homme du peuple a conçu une haute idée des droits politiques parce qu'il a des droits politiques. Il n'attaque pas ceux d'autrui pour qu'on ne viole pas les siens. Et tandis qu'en Europe, ce même homme méconnaît jusqu'à l'autorité souveraine, l'Américain se soumet sans murmurer au pouvoir du moindre de ses magistrats. Le gouvernement de la démocratie fait descendre l'idée des droits politiques jusqu'au moindre des citoyens. C'est là un de ses plus grands mérites, à mes yeux. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h15. Nous commençons notre semaine autour de Donald Trump dans l'œil des philosophes européens et américains. Ce matin, on commence la semaine en compagnie de la philosophe Justine Lacroix, qui est professeure de théorie politique à l'Université libre de Bruxelles, où elle se trouve ce matin en connexion Skype. Alors c'est toujours un peu aléatoire la connexion Skype. Est-ce que vous êtes revenue, Justine Lacroix ? Moi, je suis là, oui. Bon, très bien. Mais vous n'êtes responsable en rien de cette situation. C'est le moins qu'on puisse dire. On va reprendre le fil de notre discussion. Après avoir écouté le texte de Tocqueville, je ne sais pas si vous avez pu l'entendre, mais enfin, je sais que vous le connaissez bien. Et ce texte nous est très utile parce qu'il me permet de vous poser d'emblée une question très importante. Vous avez dit que Trump avait été, disons, décomplexé. C'était le terme que vous avez employé à l'égard des droits de l'homme. Allons plus loin. Peut-on dire, à la suite du texte de Tocqueville et même de manière générale, que lorsque les droits de l'homme sont bafoués d'une manière ou d'une autre, on ne peut plus parler de démocratie, que démocratie et droits de l'homme sont consubstantiellement liés. Oui, alors je suis contente que vous posiez la question de cette façon-là, parce qu'effectivement, au cours de ces dernières années, on a vu surgir ce concept qui me paraît tout à fait trompeur, qui est celui de démocratie illibérale, si vous voulez. Et on a vu, au fond, s'imposer l'idée qu'on pourrait avoir désormais un type de démocratie qui s'émanciperait des respects de l'état de droit et des droits fondamentaux. Je songe notamment à l'ouvrage de Yascha Mounk, hein, La démocratie... Le peuple contre la démocratie. Le peuple contre la démocratie, excusez-moi, oui, qui, au fond, disait, ben voilà, on s'est habitué à considérer que démocratie et libéralisme, ça allait de pair, et aujourd'hui on constate qu'émergent des régimes qui sont démocratiques sans respecter les principes libéraux. Conceptuellement, ça me paraît extrêmement faible, et pratiquement aussi. Je veux dire pourquoi. Parce que en réalité, les droits de l'homme, que ce soit aux États-Unis et en France, et on oublie souvent qu'en réalité, vous savez, l'adoption de la Déclaration française de 1789 et la rédaction de ce qui va devenir les Bill of Rights aux États-Unis, c'est le même été, hein, c'est l'été 1789. C'est quelque chose qui se situe avant l'émergence du libéralisme au sens strict. C'est en deçà de la grande opposition qui va structurer le 19e siècle entre libéralisme et socialisme. Donc, en réalité, les droits de l'homme ne sont pas libéraux. Et ensuite, ça revient à dire qu'on pourrait avoir, au fond, une démocratie qui ne reposerait que sur l'élection, en oubliant qu'il n'y a pas de démocratie sans égalité des libertés. Et je ne sais pas si on a toujours conscience que quand on défend, on avance cette idée de démocratie illibérale, ben en réalité, on fait sien le modèle de Carl Schmitt, qui, effectivement, lui, opposait le libéralisme à la démocratie. Mais pourquoi ? C'est parce qu'il ne définissait plus du tout la démocratie par l'égalité des individus, l'égalité des libertés, mais par une sorte d'homogénéité, d'acclamation, d'identité. Mais c'est une forfaiture, c'est une façon d'utiliser le vocabulaire démocratique pour asseoir un régime qui est en réalité autoritaire. Oui, donc... je crois qu'on a vraiment un travail en tant que théoricien du politique d'élucidation des concepts ici. Pour la démocratie libérale, je crois que c'était la formule de Michael Fossel, ça n'existe pas. Donc ce que vous dites, c'est qu'au fond, si on maintient le terme de démocratie pour désigner un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, alors finalement on fait le jeu de ces personnes-là qui prétendent être démocratiques alors qu'elles ne le sont plus. Exactement, on leur fait un cadeau qu'elles ne méritent pas. Et donc là, c'est pas que Trump, j'imagine, c'est Bolsonaro, enfin c'est beaucoup d'autres. Oui, bien sûr, personnes. Ce n'est pas que Trump, c'est Orban. Orban, oui, a été un des premiers, je pense, à théoriser ça. Il a utilisé d'ailleurs ce concept de démocratie libérale pour dire bon ben voilà, on devrait imaginer une forme de démocratie qui ne repose plus sur les principes du libéralisme. Et en réalité, c'est quoi pour lui les principes du libéralisme ? C'est la séparation du pouvoir, l'indépendance du pouvoir judiciaire et les droits des individus. Poutine a fait la même chose. C'est-à-dire que c'est en raison de l'emprise du terme de démocratie, c'est toujours curieux de s'interroger, parce que ce terme, au moment de la Révolution américaine, le terme de démocrate était pratiquement une insulte. Et puis il y a eu un renversement tout au long du 19e siècle, et progressivement la démocratie est devenue le critère de la légitimité politique, ce qui fait que personne ne peut, même les dictateurs ou les États autoritaires, sont obligés de se réclamer d'une forme de démocratie. Mais en réalité, ils en dénaturent complètement le sens. Oui. Et ça, je crois vraiment que c'est une confusion sémantique à laquelle on doit résister. Et le texte de Tocqueville le montre bien. Quand Tocqueville se rend aux États-Unis en 1831, il cherche au fond les secrets de la liberté, de la liberté américaine. Et il insiste beaucoup, effectivement, sur le rôle des droits. Alors, c'est pas seulement les droits de l'homme, mais il dit au fond l'avantage de grands atouts des Américains, c'est qu'ils ont cette pratique des droits politiques, cette habitude de défendre leurs droits. Et évidemment, c'est indissociable d'une interrogation sur tout le tissu associatif qui existe aux États-Unis. mais il montre très bien que c'est dans la pratique active des vertus civiques, dans la défense de ces droits politiques, que réside pour lui le secret qui permet d'expliquer que les États-Unis aient réussi, à l'heure où la France débat dans des convulsions politiques, aient réussi à combiner la stabilité et la liberté. Mais alors, j'ai remarqué, Justine Lacroix, qu'on a glissé, on a parlé de droits de l'homme et vous avez employé le mot de libéral, démocratie libérale ou illibérale. Dans quelle mesure est-ce que le respect des droits de l'homme est synonyme du mot libéral qu'on emploie aujourd'hui ? Il faut un petit point de sémantique ici. Oui, mais justement, ça c'est une question très, très intéressante aussi, parce qu'effectivement, on dit souvent, on confond souvent, on dit droits de l'homme ou les droits libéraux. Ouais. Comme s'il y avait d'un côté la démocratie et puis les droits libéraux. Et donc, c'est ce que je tentais de dire il y a un instant, c'est que d'un point de vue d'abord historique, l'affirmation, la proclamation des droits de l'homme, elle est antérieure à ce qu'on appelle au sens strict le libéralisme. Le libéralisme au sens strict, c'est le courant de pensée qui naît au début du 19e siècle, tout début du 19e siècle, dans le cercle autour de Benjamin Constant. Donc ça désigne un certain nombre d'auteurs qui acceptent les acquis de la Révolution française, mais qui veulent placer des limites à la souveraineté populaire, qui est instruit par l'exemple de la Terreur. Bon, voilà. Mais l'affirmation des droits de l'homme est antérieure à ça, et un certain nombre de libéraux seront pour le moins prudents vis-à-vis de l'affirmation des droits de l'homme. C'est le cas de Benjamin Constant. C'est aussi le cas d'un autre grand libéral du XIXe siècle, John Stuart Mill, qui défend évidemment l'individualité, l'individu, mais qui se fonde plutôt sur une sorte d'utilitarisme élargi plutôt que sur l'affirmation d'un droit individuel. Et puis surtout, pourquoi je résiste à l'idée de faire comme ça une équivalence entre droits de l'homme et droits libéraux, c'est que en réalité, il y a plusieurs conceptions des droits de l'homme qui vont tout de suite s'affronter aussi bien dans la sphère intellectuelle que dans la sphère publique. Il y a une conception socialiste des droits de l'homme qui sera portée, par exemple, par Jean Jaurès. Il y a des conceptions plus libérales qui vont consister à faire primer la liberté sur l'égalité, mais la conception socialiste articule liberté et égalité. Il peut y avoir des conceptions libertariennes. Si vous voulez, en fait, les droits de l'homme, c'est ce qu'on a tenté de montrer avec Jean-Yves Franchère dans notre petit livre, c'est que les droits de l'homme, ils ouvrent le champ des possibles, ils ouvrent le champ de la discussion. Ils ne sont pas réductibles à une forme d'idéologie politique. Mais d'ailleurs, Justine Lacroix, de quoi parle-t-on quand on parle des droits de l'homme ? Est-ce qu'on fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen votée à l'Assemblée constituante le 26 août 1789 ou à la Déclaration universelle des droits de l'homme votée à l'ONU le 10 décembre 1948 ? Bon, on fait... disons qu'on me semble qu'aujourd'hui, ça dépend où évidemment, mais on fait largement référence aux deux. Il me semble que la déclaration de 1789, si vous voulez, est déjà à une spécificité qui est qu'elle affirme au fond que la défense des droits est le fondement de la légitimité politique. Hein, c'est le fameux article 16, toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, n'a pas de constitution. Ce qui est déjà différent de ce qu'on observe aux États-Unis dans la Bill of Rights, qui elle est adoptée en 1791, où il s'agit plutôt de placer des limites au pouvoir de l'État, plutôt que d'instituer l'État en tant que tel. Donc déjà, il y a une différence de philosophie dans les deux approches. Ouais. La déclaration de 1948, si vous voulez, la grande différence, je dirais, c'est surtout la reconnaissance d'un certain nombre de droits sociaux qui sont, de ce point de vue-là. Alors, il y avait déjà, si vous voulez, dans la Révolution française, cette notion d'un devoir d'assistance, qui n'est pas dans la déclaration, mais alors si vous lisez le texte de 1948, si vous voulez, c'est l'ensemble des droits sociaux sont aussi une composante, c'est presque un texte socialiste, oui. La déclaration de 1948, d'ailleurs, quand on la lit attentivement. Et à quoi se réfèrent les Américains, justement, quand ils parlent des déclarations des droits de l'homme ? Ils ont eux-mêmes, est-ce qu'ils ont leur propre déclaration des droits de l'homme ? Oui, alors les Américains, ce qui est le texte le plus fondamental, c'est ce qu'on appelle donc la Bill of Rights. Donc c'est ce fameux texte. À l'origine, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Constitution des États-Unis, qui est adoptée en 1787 et ratifiée en 1789, ne comprenait pas de textes protégeant les libertés. Mmh. Il y avait eu des déclarations. Alors, la première déclaration avant la déclaration française de 1789, c'est la déclaration de l'État de Virginie en 1776. Il y a aussi la déclaration d'indépendance, mais il n'y avait pas dans le texte de la Constitution de défense des libertés. Et ça avait suscité beaucoup de critiques de la part de ceux qu'on appelait les antifédéralistes, hein, ceux qui s'opposaient à l'adoption de la Constitution américaine parce qu'ils craignaient que ne se constitue un État central qui porte atteinte aux libertés. Et donc l'engagement avait été pris que si la Constitution était ratifiée, eh bien on ajouterait un texte. Et donc c'est ce texte qui a été discuté durant l'été 1789 et puis qui consiste en fait en 10 amendements apportés à la Constitution. Et c'est ça la Bill of Rights, hein, c'est, si vous lisez la Constitution des États-Unis, où les 10 premiers amendements, ce sont la défense des droits et des libertés. Et la philosophie du texte, c'est assez intéressant de lire le texte, le texte de la Déclaration française et puis les Bill of Rights aux États-Unis, c'est que la philosophie du texte est assez différente. La substance des droits qui sont défendus et globalement les mêmes, hein, c'est droit à procès équitable, liberté de circulation, d'association, etc. Mais là, on voit vraiment que dans le cas américain, c'est vraiment l'idée de placer des limites au pouvoir de l'État. Alors que en France, il y a également la volonté de fonder la légitimité du nouvel État. Démocratie, composée d'un petit nombre de citoyens qui s'assemblent tous et gouvernent par eux-mêmes, n'admet point de remède contre les malheurs de la faction. La majorité aura presque dans tous les cas des passions et des intérêts communs. Les formes du gouvernement établiront nécessairement la communication et le concert. Et rien ne pourra réprimer le désir de sacrifier le plus faible parti ou un individu qui ne pourra se défendre. Aussi, les démocraties de ce genre ont toujours offert le spectacle du trouble et des dissensions. Elles ont toujours été incompatibles avec la sûreté personnelle et le maintien des droits de propriété. Elles ont eu en général une existence courte et une mort violente. Les politiques spéculatives qui ont soutenu cette espèce de gouvernement ont faussement supposé qu'en réduisant les hommes à une égalité parfaite dans leurs droits politiques, on pourrait les égaler et les assimiler aussi dans leurs possessions, leurs opinions et leurs passions. Une république, j'entends par ce mot un gouvernement de représentation, offre un point de vue différent et promet le remède que nous cherchons. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Où l'on découvre que la démocratie ne serait pas forcément le meilleur régime pour garantir le respect des droits de l'homme, Justine Lacroix. C'est ce que le texte que je viens de lire laisse entendre. La République, elle, serait le remède à ce mal que nous essayons de guérir, justement. La démocratie serait un régime bien faible pour garantir les droits de l'homme. Quel est ce texte que je viens d'entendre? Je sais que vous l'avez reconnu, Justine Lacroix. C'est un extrait du Fédéraliste. Oui. Alors, le Fédéraliste, c'est un texte qui est moins connu, qui est extrêmement connu et extrêmement commenté aux États-Unis. C'est vraiment le grand classique de la science politique américaine. Et en fait, donc c'est un recueil d'articles qui, donc comme je disais il y a un instant, donc en 1787, les colonies britanniques nouvellement indépendantes de la Grande-Bretagne, les colonies américaines, pardon, nouvellement indépendante de la Grande-Bretagne, donc adopte la Constitution, ce qui est aujourd'hui, ce qui est toujours la Constitution des États-Unis. Et donc, un certain nombre donc, de partisans de la Constitution, dont Madison, vont rédiger des articles qui vont être publiés en 1788-1789 pour remporter la ratification, et donc pour convaincre, au fond, les États de ratifier leur Constitution. Et alors, c'est un texte extrêmement intéressant parce que c'est là qu'il revisite, si vous voulez, les notions de république-démocratie. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, dans l'extrait que vous venez de passer, c'est que ça nous rappelle que, à l'origine, mais ça, c'était le cas aussi pour les révolutionnaires français, le terme de démocratie était un véritable repoussoir. C'est ça, pour oui. Je crois que c'est Pierre-Rosan Ballon, je l'avais entendu dire un jour, et ça me paraît très juste, qui disait, au fond, pour comprendre le sens que pouvait avoir le terme de démocratie à l'époque, encore à la fin du XVIIIe siècle, au tout début du XIXe siècle, il faut comparer avec populisme aujourd'hui. Mm-hmm. Le démocrate, c'était toujours l'autre, si vous vouliez, parce que la démocratie, c'est quoi ? La démocratie, c'est le désordre, c'est la démagogie, c'est la confusion, c'est la masse désordonnée. Alors que la révolution américaine s'est faite au nom de l'idée de république, qui est le sens du bien commun, la capacité à dégager l'intérêt général. Ça se retrouve dans les partis politiques américains aujourd'hui. Les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre, c'est ça que ça veut dire. Les démocrates, oui. C'est ceux du côté du peuple, mais donc aussi du chaos et de ce que eux appellent même le communisme, à savoir c'est le peuple qui prend le pouvoir, de l'autre les républicains qui seraient du côté de l'ordre et de la représentation. Oui, sauf que effectivement, le Parti démocrate, c'est-à-dire c'est tout au long du XIXe siècle, effectivement, il y a eu un renversement du stigmate, si vous voulez. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se passe souvent avec des concepts politiques, c'est qu'au départ, ce terme de démocrate, qui est une injure, va finir par être revendiqué par un certain nombre d'hommes ou de politiques, et donc finalement la mue s'opère quand le Parti démocrate finit par prendre cette appellation. Ce qui la même chose pourrait se produire, et déjà en train de se produire avec le populisme, si vous voulez, c'est à force de traiter un certain nombre de personnes de populistes, à un moment ils se revendiquent et le terme finit par passer dans le langage courant. Mais ce qui est intéressant, je trouvais dans l'extrait que vous avez passé surtout, c'est de voir qu'au fond le fédéraliste, ils font ce tour de passe-passe qui consiste à associer la République au principe représentatif. Ce qui est quand même extrêmement nouveau, puisque normalement la République supposait la participation directe du peuple, d'une manière ou d'une autre, à l'exercice du pouvoir. Dans la pensée de Rousseau, la République est incompatible avec le principe représentatif. Et là, au fond, ils disent la démocratie, c'est la participation directe du peuple au pouvoir. Ça, c'est la grande différence. Avec la République, c'est le principe de représentation, avec l'idée qu'au fond, le principe de représentation, l'élection, va permettre de sélectionner une élite qui saura mieux que la masse du peuple discerner quel est le bien commun, quel est le sens de l'intérêt général, et donc de permettre de réaliser les principes républicains. Donc je pense que les auteurs du fédéraliste auraient été extrêmement inquiets devant un phénomène tel que Donald Trump, qui illustre effectivement cette confusion et cette démagogie qu'ils associaient à la démocratie. Mais la question se pose, Justine Lacroix, de savoir si la démocratie serait le meilleur régime pour garantir le respect des droits de l'homme. Au fond, si par démocratie on entend le peuple qui se gouverne lui-même, le peuple peut lui-même, à certains moments de son histoire, selon les pays dont on parle, ne pas vouloir que les droits de l'homme soient quelque chose, une priorité, quelque chose qui soit respecté. Il y a certaines conceptions défendues, y compris par des philosophes contemporains, qui soutiennent le divorce, même l'antidémocratisme des droits de l'homme. C'est quelque chose qui s'entend aujourd'hui. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir une forme démocratique sans respect des libertés fondamentales, ce qui serait la première partie de votre question, je pense. Moi je suis très habermasienne de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je suis très sur la ligne de Jürgen Habermas, c'est-à-dire que je crois que il me semble assez convaincant qu'il existe, pour reprendre son expression, une co-originarité des droits de l'homme et de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les deux les droits de l'homme sont la condition de possibilité de la démocratie. Il n'y a pas de délibération démocratique qui vaille sans que liberté de presse, liberté d'association, liberté d'expression. Si ces conditions d'égalité des libertés ne sont pas assurées, comment voulez-vous avoir une élection ou une délibération démocratique qui soit valable, qui soit légitime? Par contre, la deuxième partie de votre question, ouais. si je comprends bien, consiste à se demander, mais est-ce qu'au fond, est-ce que les droits de l'homme, eux, ne pourraient pas être antidémocratiques, c'est-à-dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de pouvoir, notamment de pouvoir des juges, qui ferait prévaloir une certaine conception des droits de l'homme contre la délibération démocratique. Alors là, je vais vous dire, je crois que ce risque, il existe et doit être pris au sérieux. Et il existe parce que parfois, on s'impose l'idée qu'au fond, il n'existerait qu'une seule interprétation des droits de l'homme, si vous voulez. Et je crois quand même très important de dire, au fond, qu'il y a une formule de Claude Lefort que Jean-Yves Franchère et moi, on aime beaucoup, qui consiste à dire les droits de l'homme, c'est la condition nécessaire mais non suffisante d'un monde habitable par tous. Ça veut dire, au fond, il fixe un certain nombre de critères minimums pour que puisse s'organiser la délibération démocratique, mais il ne donne pas la recette, il ne fixe pas les règles qui doivent s'imposer à tous. Et donc là, je crois effectivement que trop souvent, certaines interprétations des droits de l'homme sont au fond, imposé comme allant de soi, alors qu'en réalité, il faudrait beaucoup plus ouvrir le champ d'interprétation et dire que le principe d'égale liberté, les principes de dignité peut ouvrir à des conceptions libérales, des conceptions libertariennes, des conceptions socialistes. Il faudrait peut-être faire plus jouer, comme c'est le cas aux États-Unis, quand un arrêt est pris par une cour, le jeu des opinions dissidentes. Vous voyez ce que c'est le jeu des opinions dissidentes? Ça, c'est très intéressant. C'est par exemple quand la Cour suprême rend son arrêt ou son opinion, il y a toujours une opinion dissidente, c'est-à-dire si un certain nombre de juges ne sont pas d'accord, ils font entendre leur interprétation. Et c'est intéressant parce que cette opinion dissidente peut remporter la partie plus tard. Et donc, je trouve que ça permet de comprendre que il n'y a pas l'interprétation que donne la Cour suprême de la Constitution aux États-Unis. Elle a beaucoup varié dans le temps, et que donc il n'y a pas une interprétation intangible qui vaudrait une bonne fois pour toutes. Oui, mais je pense à des positions comme celle de Pierre Manent ou de Marcel Gauchet en France aujourd'hui, oui. Qui posent par exemple que les droits de l'homme, l'acquisition des droits de l'homme vont renforcer une forme d'individualisme, voire d'égoïsme de chacun, et donc ainsi entraîner une sorte de désagrégation de la société qui va empêcher toute forme de débat démocratique. Oui, alors, donc ça c'est effectivement une critique qui s'est beaucoup développée, notamment dans la sphère intellectuelle française ces dernières années, consisterait à dire que la logique des droits de l'homme est devenue indissociable d'une sorte d'individualisme radical ne voudrait faire entendre que son point de vue, et donc chacun s'arc-boute sur ses droits et refuse d'entendre le collectif et donc de participer à la délibération démocratique. Bon, moi, il me semble qu'il ne faut pas confondre, si vous voulez, il ne faut pas imputer aux droits de l'homme tous les méfaits de l'individualisme, si vous voulez, qui peut, dans une certaine mesure, frapper nos sociétés. Et au fond, il me semble que cette critique, elle repose largement sur une opposition qui nous semble trop tranchée, si vous voulez, entre, il y aurait d'un côté un peu les bons droits de l'homme, hein, oui. Les droits de l'homme de 1789 qui étaient articulés à la construction d'une collectivité nationale, à la construction donc d'un État, d'une cité, d'une nation. Et puis aujourd'hui, on aurait, j'ai envie de dire presque, même si c'est pas dit exactement comme ça, les mauvais droits humains, hein, qui sont un principe de déliaison sociale où chacun poursuit son intérêt propre sans se soucier de l'ensemble. Je crois que d'un point de vue historique, c'est beaucoup plus nuancé. À vrai dire, dans le mouvement révolutionnaire, dès la Révolution française, vous aviez les deux mouvements. Vous aviez effectivement la construction d'une collectivité, mais aussi l'affirmation des droits de l'individu contre l'État. Et les premières critiques des droits de l'homme qui se développent au début du XIXe siècle, hein, celle d'Edmund Burke, celle de Joseph de Maistre, ils ont tout de suite tiré sur l'individualisme des droits de l'homme. Donc la critique de l'individualisme, elle n'est pas neuve. Et à l'inverse, je dirais aujourd'hui, oui, bien sûr, qu'il peut exister ce qu'on pourrait appeler des pathologies de la liberté, au fond, hein, des formes de mécompréhension des droits de l'homme qui les présentent sur un mode égoïste et défensif. Mais comment ne pas voir que aussi les luttes pour les droits créent du lien, invitent les hommes à s'associer les uns des autres, et que les grandes luttes politiques de ces dernières années se sont organisées autour de la défense des droits. Donc ça me paraît être une lecture qui me paraît à bien des égards trop schématique. Et puis surtout, je pense effectivement, il existe des lectures, et là Marcel Gauchet a raison de le souligner, et bien sûr qu'il existe des lectures des droits de l'homme qui insistent uniquement sur cette dimension défense de nos libertés privées égoïstes. Mais il est possible, plutôt que de s'en prendre aux droits de l'homme, il vaut mieux montrer que c'est un malentendu et que les droits fondamentaux sont toujours les droits de l'homme en société. Ils sont les droits à la délibération démocratique et le droit de nous lier les uns aux autres, pour parler comme le philosophe Claude Lefort. Ces critiques ont en tout cas l'avantage de mettre en lumière ce que certains appellent une ambivalente droit de l'homme, en remettant en question par là l'universalité des droits de l'homme. Et c'est ce qu'on va entendre dans l'extrait. On retourne aux États-Unis. Voici un extrait. Bah, c'était le 19 juin 2018. Nikki Haley, qui représente les États-Unis au Conseil des droits de l'homme, annonce le retrait des États-Unis de ce Conseil des droits de l'homme. Pendant trop longtemps, le Conseil des droits de l'homme a été un protecteur des violateurs des droits humains et un cloaque de partis politiques. Malheureusement, il est maintenant clair que notre appel à la réforme n'a pas été entendu. Les violateurs des droits de l'homme continuent à servir et être élus au Conseil. Les régimes les plus inhumains du monde continuent d'échapper à tout examen. Et le Conseil continue de se politiser et de faire fuir les pays avec un bilan positif en matière des droits de l'homme, afin de détourner l'attention des agresseurs et de leurs rangs. Par conséquent, comme nous avions prévenu il y a un an, si nous ne voyons aucun progrès, les États-Unis se retireront du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ainsi, je veux qu'il soit bien clair que cette décision n'est pas un retrait de nos engagements pour les droits de l'homme. Au contraire, nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation qui sert ses propres intérêts et qui est une parodie des droits de l'homme. Vous avez dit, Justine Lacroix, en début d'émission, de quelle façon Trump pouvait être tenu comme étant le symptôme, disons, d'un divorce entre démocratie d'un côté et droits de l'homme de l'autre. Que faut-il penser du retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme en 2018? Un retrait qui, vous l'avez entendu à travers les mots de Nikki Haley, devait être imputé non pas au fait de ne plus vouloir faire respecter les droits de l'homme, mais au contraire du constat que ce Conseil-là ne savait pas faire respecter les droits de l'homme dans certains pays qui étaient directement visés. Est-ce une ironie? Oui, bon, je crois que la justification, ce qu'on a entendu est certainement pas faux, évidemment, mais ça témoigne surtout, je pense, d'un retrait ou d'une offensive. Alors moi, je suis évidemment pas spécialiste de ça, mais c'est ce que j'ai beaucoup entendu dire par notamment des collègues juristes qui suivent ça de près. C'est-à-dire soit un retrait des États-Unis d'un certain nombre d'instances de protection des droits de l'homme ou d'instances multilatérales, et puis aussi une offensive conservatrice de plus en plus importante, qui consiste, si vous voulez, à revenir à une conception très très limitée des droits de l'homme, qui soit limitée strictement soit au droit civil, donc refus total des droits sociaux, et puis aussi une offensive conservatrice qui vous savez, appuyée sur le concept de loi naturelle, sur l'idée qu'il existerait un ordre naturel. Et derrière ça, ce qui se dessine, c'est aussi une opposition, notamment aux droits des femmes, à la procréation, au contrôle de la procréation, au droit à l'avortement, opposition aux droits des minorités sexuelles. Et donc ça participe effectivement de ce mouvement-là. Cette ironie-là, je disais parler d'ironie peut-être, voire de mauvaise foi, en tout cas la question se pose de savoir dans quelle mesure est-ce que les droits de l'homme ne peuvent pas être brandis comme une espèce d'alibi pour, et ça c'est ce qu'on disait au cours de cette émission, justement pour essayer de pour mieux procéder à ce que la professeure de sciences politiques à Berkeley, Wendy Brown, appelle à la dé-démocratisation. Est-ce que vous connaissez cette formule, j'imagine, et est-ce que vous trouvez qu'elle est légitime de parler de dé-démocratisation dans le cas de Donald Trump? Oui, je trouve que la formule est excellente. J'ai lu Wendy Brown et je ne serais pas en accord total avec ce qu'elle a pu écrire sur les droits de l'homme, mais je trouve que la formule de dé-démocratisation dans le cas de Donald Trump est beaucoup plus éclairante, par exemple, que celle de populisme. Vous savez, on parle beaucoup des leaders populistes, et dans le cas américain, ça me paraît pas du tout un bon concept pour éclairer ce qui est en train de se passer, surtout que dans le cas américain, le populisme, ça renvoie plutôt à des mouvements là qui se sont développés à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui, au contraire, était porté par un idéal d'extension des libertés publiques et par un idéal d'égalité sociale, par la notion d'une volonté de démocratiser, si vous voulez, la société américaine. Or, avec Donald Trump, on assiste plutôt à ce qu'un autre universitaire a appelé de façon très pertinente, me semble-t-il, c'est Patrick Savidan. Il avait dit, au fond, on peut parler de démocratisation du sentiment oligarchique. C'est-à-dire que l'idée que, enfin, ce qu'on voit se dessiner avec un personnage comme Trump, c'est pas l'idée d'une solidarité collective, c'est pas la défense du peuple contre les élites, c'est plutôt, au fond, l'idée d'exclure un maximum, de se protéger soi-même du risque d'une précarisation. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs que le socle électoral de Donald Trump est composé de petites classes moyennes qui ont peur d'être précarisées et qui donc vont réagir plutôt par l'exclusion de l'autre, le migrant notamment. Et l'attaque qui est menée par Donald Trump aussi bien contre la séparation des pouvoirs, contre l'indépendance du pouvoir judiciaire, cette volonté, cette sorte d'affirmation de l'homogénéité de la volonté, ça participe beaucoup plus d'un affaiblissement, d'une érosion démocratique, de l'affirmation d'une forme d'autoritarisme que ça me paraît beaucoup plus probant ce concept de dédémocratisation que celui de démocratie libérale ou que celui de populisme, ça c'est tout à fait sûr. Et donc je pense que l'expression de Wendy Brown était tout à fait bienvenue. Mais comment expliquer dans ce cas que Trump ait pu rester 4 ans au pouvoir? Est-ce que ça veut dire que le fonctionnement démocratique américain ne peut pas se protéger de personnes comme Donald Trump qui peuvent lui nuire? Ça veut dire qu'il y a une faiblesse démocratique, ou au contraire c'est le propre de du fonctionnement démocratique de pouvoir permettre à ce type de personnes d'être élues et donc de voir d'assister à sa propre fin en réalité? Ben, le système a quand même pas si mal résisté. Les contre-pouvoirs ont quand même relativement tenu. Moi, je suis très inquiète, je ne le cache pas, pour l'élection de la semaine prochaine, parce que la question, savoir si Trump est réélu, là, c'est une autre question. Jusqu'ici, le système politique a plus ou moins tenu. Je dirais que peut-être ce qui a été le plus inquiétant, je rentre plus dans un commentaire politique, hein, c'est pas tout à fait. Mais ce qui m'a le plus inquiété, c'est peut-être l'abdication du Parti républicain. C'est-à-dire que, au fond, notamment la procédure de destitution qui avait été enclenchée vis-à-vis de Trump et qui portait quand même sur des faits extrêmement graves, au moins aussi graves que ceux qui avaient été reprochés en leur temps à Richard Nixon, le fait que le Parti républicain l'ait soutenu, ça je trouve que c'est peut-être le plus inquiétant, c'est le fait qu'il ait réussi au fond à garder et même à étendre son emprise sur ce parti. Et donc toute la question est évidemment de savoir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, parce que s'il était réélu, là je commencerai à être très très inquiète pour la démocratie américaine, qui jusqu'ici, les contre-pouvoirs ont plus ou moins tenu. Vous dites que vous êtes pessimiste, c'est ça? Non, je suis pas pessimiste. Je n'en sais rien. Franchement, je m'en sais rien. Aujourd'hui, tout semble, semblerait qu'il serait battu, mais ça, moi, Les votes ont déjà commencé. Hein, je le précise. Il y a beaucoup de votes en avance qui ont été Voilà. En tout cas, les sondages ne sont pas bons pour lui. Mais on n'est pas à l'abri, évidemment, d'un retournement. Et donc, je serais très inquiète d'un Trump qui serait réélu, qui là se sentirait vraiment les mains libres, si vous voulez. Je suis assez inquiète de savoir dans quelle mesure il va accepter sa défaite, parce qu'il a laissé planer le doute là-dessus, ce qui est quand même un comble. Je crois que c'est quand même qu'un président des États-Unis ne s'engage pas à l'avance à respecter le résultat des élections. Ça montre bien aussi que toute revendication ici, vous savez, quand on parlait de l'opposition entre démocratie et libéralisme, on disait, au fond, les démocrates illibéraux, ils disent qu'ils ne se réfèrent qu'à l'élection, mais ça montre bien qu'en réalité, ce ne sont pas des démocrates du tout, puisque là, même le résultat de l'élection, ils ne s'engagent pas à le respecter. Je vous remercie beaucoup, Justine Lacroix, d'avoir été depuis Bruxelles avec Merci nous ce matin. Désolée pour les coupures. Mais ça nous a permis d'avoir cette excellente discussion, donc je vous en remercie. Alors, je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. J'étais trop rapidement cité au cours de l'émission, vous y avez fait référence. Le procès des droits de l'homme, généalogie du scepticisme démocratique. Vous l'avez coécrit avec Jean-Yves Pranchère. On le trouve aux éditions du Seuil. Je renvoie également toujours aux éditions du Seuil, coédité avec La République des idées. Les droits de l'homme rendent-ils idiots ? Toujours coécrit avec Jean-Yves Pranchère. Et puis on trouve aussi un numéro de la revue Esprit qui date de juin 2017, mais vous pourrez sans doute vous le procurer, qui s'appelle La bataille des droits de l'homme. Et on y trouve un article de vous et donc de Jean-Yves Pranchère pour une politique de l'égale liberté. Le terme, je crois, est d'Étienne Balibar. Bref, lisez, chers auditeurs, tous ces travaux sur le sujet plus que jamais d'actualité. La journée spéciale, enfin c'est une semaine spéciale organisée par France Culture continue. Vous retrouverez tous les programmes de la chaîne, enfin la plupart des programmes qui se mettent à l'unisson avant cette élection américaine, notamment tout à l'heure la compagnie des auteurs. D'ici là, eh bien, Justine Lacroix, je vous remercie. Vous êtes libre. Merci à vous. Et on se quitte en chanson comme chaque jour. C'est Will.i.am featuring Apple, The App and Lion V. Bah, je ne vais même pas te dire le titre de la chanson, la voici. I'm a star, cause I made it. I'm rich and I'm famous. Woo! Donald Trump said to grab you by the pool. Donald Trump said to grab you by the pool. Yeah, baby, I'm a star, and I'm famous. Woo! Donald Trump said to grab you by the pussy. Yeah. Donald Trump said to grab him by the pussy. No, you got it all wrong. I'm a woman, and I'm strong. And don't you forget it, 'cause I am intelligent. I'm somebody's daughter, I'm somebody's boss. I could be the next president, so give it a respect. The war in Afghanistan, what you gonna do when they kill another black man? Tell me how you plan to make America great again. What you gonna do when they only wanna hate again? When I'm president, I won't be like Obama. If anyone talks about me, I'll bomb him. I'm grabbing that like there's no tomorrow. And if we have problems with Russia, I'll bomb him. What you gonna do about Al-Qaeda and ISIS? What you gonna do about Syria and crisis? What you gonna do when you step in the door? Will the rich stay richer and the poor stay poor? Shut up, girl. It ain't about you, girl. It's all about me, girl. Don't you see my name on a building, girl? And when I'm president, I'm a own the world. I'm a star. And when you're a star, they let you do it. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver Aurélien Bélanger pour sa question philo. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, vous vous posez une question. La crise du Covid est-elle aussi une crise de la méthode scientifique? Et vous ne faites pas référence à l'émission sur France Culture, la méthode scientifique, j'imagine. Non, qui se porte très bien. Alors, il s'en est fallu de peu ou de beaucoup pour que Didier Raoult remporte le prix Nobel de médecine. Il aurait suffi, en fait, que l'hydrochloroquine soigne la Covid et c'était réglé. On aurait eu, après Ambroise Paré, Claude Bernard et Louis Pasteur, un nouveau génie français de la médecine. Alors, je suis comme tout le monde, j'ai beaucoup observé Didier Raoult, j'ai été fasciné par lui, par son aplomb et sa déveine, car je pense sincèrement que ce n'est pas passé à grand-chose. Imaginez Pasteur confronté à la génération spontanée, le même Pasteur, arrogant et génial, en butte à l'opposition de la médecine de son temps, solitaire, colérique, obstiné, le Pasteur qu'on connaît, sauf que rien ne se passerait comme prévu dans ses boîtes de pétri, les microbes refuseraient de se montrer, ou bien dans des conditions telles que la seule hypothèse tenable serait celle de la génération spontanée. Donc vous dites que Didier Raoult n'est pas un moins bon scientifique que Pasteur, mais seulement lui, il aurait perdu son pari. C'est toute la cruauté de la méthode scientifique, quelle que soit la splendeur de la théorie, arrive un moment où il faut faire tapis, s'en remettre aux résultats hasardeux, chaotiques de l'expérience. On aura beau hurler aussi fort qu'on voudra, ce sera l'expérience, avec sa toute petite voix, qui sera décisive. Le virus est le plus fin de nous tous. La raison humaine est condamnée d'une certaine manière à le poursuivre en vain. Et est-ce qu'il n'y a pas ici un risque subtil de relativisme? C'est toute la difficulté. Didier Raoult se définit ainsi comme sceptique. Sceptique, a-t-on pu faire remarquer, jusqu'au climato-scepticisme. La confiance aveugle accordée aux faits, longtemps considéré comme le principal acquis de la méthode scientifique, tourne ainsi bizarrement. La méthode scientifique paraît presque se rebeller contre elle-même. C'est ce que je me suis dit l'autre soir devant CNews. J'ai pris le débat en cours, un débat qui opposait deux épidémiologistes quasiment sur le point d'en venir aux mains sur la question de la deuxième vague. Mais j'ai compris très vite que le débat avait déjà eu lieu le matin ou l'après-midi même, et que j'étais devant un méta-débat. On avait au centre, en image dans l'image, deux scientifiques qui débattaient et qui n'étaient d'accord sur rien. Alors qu'autour d'eux, sur le plateau du direct, dans la zone traditionnellement allouée à l'opinion et aux hurlements contradictoires, ça débattait à peine. Tout le monde était en tout cas d'accord sur un point. Ces scientifiques sont insupportables. Ils voudraient ne pas être crus, qu'ils ne s'y prendraient pas autrement. Alors la scène m'a rappelé ces discussions mondaines infinies sur la valeur des différents généraux dans Le Temps retrouvé. Proust nous montre bien comment une catégorie de spécialistes, les militaires, se trouve au centre de toutes les discussions au moment même où leur art, l'art militaire, est en faillite totale et que la guerre s'enlise inexorablement. Donc pour répondre à votre question du jour, je dirais qu'en plus de la crise du Covid, en fait, on assiste à une faillite de la science. Faillite en tout cas d'un certain triomphalisme scientifique. On était censé être entré dans l'ère de la big data, de la médecine algorithmique. Et tout ce à quoi on assiste, c'est en Angleterre un tragique mécompte du nombre de cas à cause d'un mauvais remplissage d'un tableur Excel. En France aussi, on assiste à une bataille d'ego sur fond de rivalité OM-PSG. Et aux États-Unis, à une étonnante corrida entre le président et le virus. La pandémie ne nous aura pas rendus plus rationnels. Sans doute, car le laboratoire si calme où la science se fait d'habitude se confond exceptionnellement ici avec l'ère d'activité du virus. Il n'y a cette fois-ci plus vraiment de laboratoire et plus de méthodes possibles. L'espace où le virus se déploie, c'est l'espace public. Le virus se déploie ainsi en pleine polémique. En quelque sorte, l'épidémie est double, elle est autant mentale que physique et on ne sait plus si l'on doit espérer un vaccin ou redouter les anti-vaccins. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture à la page des chemins de la philo. Et un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff avec Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui a réalisé pour vous cette émission. À la prise de son, aujourd'hui, c'était YouTube Diego Aclopez, à la lecture des textes Bernard Gabet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Donald Trump dans l'œil des philosophes en harmonie avec presque l'intégralité des programmes de France Culture. Cette semaine, on vous propose une programmation autour de l'élection présidentielle américaine. Demain, on sera en compagnie de la philosophe américaine Suzanne Brisson. On est très heureux de l'accueillir. Ce sera en duplex, évidemment. On parlera de l'utilisation du langage faite par Donald Trump et comment les mots qui fâchent peuvent conduire peut-être aux mots du fascisme. Ce sera donc demain à 10h. D'ici là, sur France Culture, vous retrouverez beaucoup de programmes qui sont en lien avec cette semaine spéciale donc autour de l'élection présidentielle. Vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture, la réécouter, mais aussi, pourquoi pas, vous abonner au podcast afin de l'écouter quand vous voulez en téléchargement.